Allez, on va continuer de parler rugby. On va laisser tomber la Fédérale 2. Prochain rendez-vous, Jean-Yves, le 2 avril au stade Jean-Louis Trintignant à Châteauneuf-du-Pape pour la venue de Voiron. Voiron qui va jouer pour juste pour le plaisir. Ouais, Voiron qui va jouer pour le plaisir l'ASBC qui va devoir arrêter de jouer pour le plaisir et qui va devoir enquiller. Parce que là, c'est peut-être que une victoire bonifiée, ça te permettrait de repasser devant Nice, et c'est pas la même chose au moment de recevoir et de se déplacer, puisque si tu finis quatrième, peut-être que ça te permet de recevoir au match retour, me semble-t-il, et là le coup il est pas le même, parce qu'on sait que Nice par contre va recevoir Château-Renard, et il y a de grandes chances que Château-Renard prenne un petit peu la marée. Que ce match se passe bien et pourquoi pas qu'ils essaient un petit peu de retrouver leur vertu du côté de Nice, on ne sait jamais. Moi je dirais que si Château-Renard pouvait foutre le bordel, déclencher une période générale toute l'après-midi et faire suspendre quelques... Mais à un moment, il ne faut pas se cacher. Moi, je suis licencié à l'SBC, je suis désolé, mais des fois, je n'ai pas la neutralité suffisante. Si Château-Renard allait foutre un peu le bordel à Nice et mettait quelques joueurs sur le toit, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Ah, mais tiens, on suivra ça de très près, ça sera le 2 avril. Restons dans le rugby, passons à la Fédérale 3, on va lire les résultats à notre possession au niveau de la poule 9 et la poule 10, et après, on commentera avec Jean-Yves. Alors, Givors Priva, 24-21. Rhône 15 et mieux, 31-7. Les Angles Ampuis, 43-15. Beaurepaire Martigues, 20-38. Et pour Ber Avignon-le-Ponté, il n'y a pas eu de communication de score. Martigues est premier, Avignon-le-Ponté est 8e. Ber a filé 42 points au Ponté de mémoire. Oui, exactement, oui, c'est pratiquement ça. Je crois que c'est 36 à 20, ou c'est un score comme ça. J'ai pris note sur, bien sûr, l'info par rugby fédéral, quoi. Ouais, il me semble que c'était aux alentours de ça, une quarantaine de points. Voilà, il n'y a pas eu, bien sûr, de points offensifs pour Berne, mais une défaite qui met un petit peu sous pression Avignon-le-Ponté, puisqu'il restera le dernier match. Et Beaurepaire a déjà un match de retard. Ils vont le jouer et il y aura encore le dernier match à jouer. Ils ont deux matchs. Le Ponté, 34 à 20. C'est ça. Il y a le feu au Ponté. Oui, il y a le feu. Il y a le feu à la boutique. Oui. Si Beaurepaire venait à gagner un match à l'extérieur, ou un match ils ont deux matchs à jouer, il s'agit qu'il en gagne un et que le Ponté n'arrive pas à gagner à domicile, c'est pas bon, quoi. C'est marrant. Ouais, il y a le feu à la boutique. Là aussi, le Ponté, pour le moment, continue à survivre grâce aux points de bonus qu'ils ont pris. Cette fois-ci, ils n'ont pas pris, par contre. Fois-ci, ils n'ont pas pris, mais je crois qu'ils en sont à 9 depuis le début de la saison, si mes souvenirs sont exacts. Je suis en train de vérifier, mais il me semble que c'est ça. 9 points de bonus, ça aurait même pu leur sauver la saison. C'est 10 points de bonus qu'ils ont pris, le Ponté. Okay. J'imagine, s'ils avaient pas ces points de bonus, ils auraient 16 points, ils seraient déjà enfermés. Merci pour ce calcul. On va passer à la poule 10. On va laisser tomber le Ponté, on les retrouvera plus tard. Les Angles, bien sûr, font leur petit bout de chemin en Fédéral 3. Peut-être pas qualifié pour les phases finales, mais il va falloir qu'ils se battent encore. C'est pas encore, peut-être, si, à qui j'arrive ou pas. C'est les six premiers. Donc tout va bien. Oui, ils sont là où ils avaient espéré être. Il ne faut pas oublier que les Angles remontent à peine cette saison. Superbe parcours, moi, je dirais. Ouais. À titre perso, je suis content, bien sûr, de voir les Angles à ce niveau-là dans le championnat de Fédéral 3. Oui, surtout que c'est un club formateur là aussi. Allez, on passe à la poule 10 cette fois-ci et on va parler de l'Île-sur-Sorgue, un club aussi formateur. Alors, Cavaillon-Palavas, 15-11. Sifou-Bastia, 23-19. Aubagne-Aix-Université, 42-20. Vendre-l'Espignan-Lille-sur-Sorgue, 31-10. Valgapo, La Valette, 14-27. La Valette est premier, Cavaillon est troisième. L'Île-sur-Sorgue est cinquième sur 10. T'as compris ce que je voulais dire? Mmh. Bon, c'est pas grave. Il m'a carrément coupé le micro, il a raison. Je demandais qu'il y ait un petit peu plus de volume. J'avais du mal à m'entendre, il fallait que je force sur ma voix. C'est pas normal, c'est pas tout à fait normal, il me semble, au niveau de la technique. Revenons à la première série, parlons... de l'honneur, pardon. Championnat PACA honneur. Oui, nos amis de Monteux. Un gros match, là. Il y avait un gros match en honneur. Il y avait un derby mince. Oui, Sisteron-Uzès. Pourquoi mince, vous allez voir. 20-25, Monteux-Saint-Saturnin, 13-25, RC Draguignan-Saint-Laurentin, 23-8, Le Mourillon-Fossistre, 39-0, Le Bossé-Monaco, 23-12, Valréas-Salon de Provence, 53-33. Uzès est passé premier, Monteux second, Saint-Saturnin 4e sur 12. Valréas 6e. Alors ça, c'est le grand retour de Saint-Saturnin qui est venu battre Monteux à domicile. La revanche. Il y a dû y avoir une belle revanche. La revanche, puisque on se rappelle qu'au match aller, Monteux était allé atomiser Saint-Saturnin au stade de la Fort à Saint-Saturnin. Ça avait engendré quelques soucis à Saint-Saturnin. Il y a eu depuis une énorme remise en question. On sait que depuis, Saint-Saturnin a été privé de quelques points, a été suspendu, le terrain de Saint-Saturnin a été suspendu, et j'ai l'impression que ça a remotivé ce groupe de Saint-Saturnin qui enchaîne les bonnes performances. Je crois qu'ils viennent d'enchaîner 4 victoires de rang, et surtout celle-là, elle est belle parce que la suprématie du quartier, quoi, entre Monteux et Saint-Saturnin. Saint-Saturnin l'a emporté à Monteux alors qu'ils avaient chargé à la maison au match aller. Voilà, et puis il reste encore pratiquement 4 journées de championnat, puisqu'il y en aura 3 journées de championnat. Et là, par contre, peut-être que Saint-Saturnin pourrait figurer parmi le trio de tête. Ouais, ça serait un excellent résultat, puisque Saint-Saturnin a 55 points. Et Draguignan, qui est juste devant à 57, ils peuvent peut-être même aller chercher Monteux, oui, qui Monteux est à 58. Uzès, c'est devant largement, il n'y a pas photo. Mais c'est ça, Monteux, Draguignan, il va falloir suivre tout ça de près. Allez, on continue avec le championnat de Provence, toujours avec, bien sûr, les séries où c'est que nos clubs vaucluziens essaient de briller. Alors, Sorgues Renouvez, Penn Mirabeau, 21-7, Orange Vauvert, 13-22, Gignac-Marignane-Tarascon, 0-25, Pernes-Digne, 12-10. Les Pennes-Mirabeau, premier, Sorgues-Renouvez, second, et Pernes est sixième, suivi ensuite septième, Orange sur 9. Voilà, on parle un petit peu de cette première série. C'est vrai qu'on ne s'arrête pas souvent sur ces petits clubs, mais aussi, ils font leur petit bout de chemin. Rhône-Sorgues qui est en première série, c'est vrai, certes, il y a quelques années, jadis, ils étaient en fédéral de voir, en première division. Ouais, en première division, absolument. Et bien, aujourd'hui, ils naviguent en première série et ils ne sont pas encore tout à fait sortis de l'auberge pour pouvoir remonter en honneur, en prêt. Ils sont seconds. Alors, ils vont jouer leur phase finale. Ils vont probablement même... Il y a très bientôt, me semble-t-il, le mois prochain, les finales régionales qui vont se disputer au Parc des Sports. Sorgues est dans le coup. Moi, je suis content de voir les Sorgues qui, petit à petit, reconstruisent. Ça serait bien qu'ils prennent le temps de reconstruire. Ils vont probablement pouvoir accéder à la promotion d'honneur. Et puis, petit à petit, reconstruire un club. Ça fait jamais plaisir de voir un club qui a eu un passé comme ça évoluer en première série. Après, le niveau de Sorgues, ça sera peut-être honneur, promotion d'honneur, honneur. Mais il y a plein de clubs comme ça. Je pense que c'est aussi le niveau du Pontet, c'est aussi le niveau de quelques clubs. Et les Sorgues ont repris le truc par le bon bout, ils refont de la formation, ils remettent des joueurs dans le circuit. C'est pas mal, moi je trouve que c'est bien. Voilà, alors voilà, place un petit peu aux petites équipes, continuons alors, avec la deuxième série. Deuxième série, Miramas-Vidourle 19-33, Plandorgon-Huchot 29-0, Bolène-Uvonne-Marseille 19-14 et Vaison-Gardenne 8-21. Plandorgon est premier, nos clubs vauclusiens Bolène 5e, Vaison 6e sur 9. Voilà, continuons. Et la troisième, quatrième série, Pernes-Pont-Saint-Esprit 25-0 forfait, Gravesan-Montfaucon 29-10, Gémenos-Tarascon 81-0 et enfin Saint-Andiol-Pertuis 18-12. Là aussi une jolie petite arbitre. Gémenos est premier et ensuite Pertuis 7e, 8e, Pernes sur 10. Voilà, nouveau cuisine qui jouait alors surtout Saint-Andiol-Pertuis. Ça devait être pas mal, c'est pratiquement un derby là, hein, c'est très proche. Ouais, c'est un derby à signaler Gravesan-Montfaucon, puisque les joueurs de Montfaucon, qui sont pas très loin du Vaucluse finalement, éprouvent toutes les peines du monde à terminer leur saison. Ils ont des problèmes d'effectifs, les entraîneurs ont démissionné, enfin c'est un peu la pagaille, mais voilà, ils vont terminer. Puis honnêtement, ça, il y a quatrième série, ça n'a pas vraiment d'importance, qui sont là pour s'amuser. Parfait. La pub, mais oui, ma petite Monique.